C'est fou la roue de l'Est. 89-1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbay avec sa chronique Phénomène. Et on parle politique avec François Landry et Logocratie 101 dans Assemblage requis. Et c'est pas mal maintenant, je vous l'apprendrai pas, hein? Vous l'apprendrez pas, c'était comme un jeu de mots par rapport à Logocratie 101, que c'est comme un cours, mais c'était raté complètement. Non. Ah, oh, pas si pire. Pas okay. Si pire. Bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce jeudi 20 janvier. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Olivier. Bonjour à toi. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Les requins. Les requins. Ils sont là, ils et sont les présents. Les requins, non, sont pas les oublier. Non, mais moi, je les oublie jamais parce que je pense toujours à elles le soir tard. Oui, donc aujourd'hui, à l'émission, on a Simon Fitzbay avec sa chronique Historique Rock Phénomène. Oui, il va nous parler de Frank Zappa. Frank Zappa! Oui, ça va être aux alentours de 8h. Oui, ensuite à 8h30, on a François Landry et Logocratie 101, sa chronique sur la politique. Aujourd'hui, l'agenda 2011 de Jean Charest. De Jean Charest. Je sais pas si c'est l'agenda, tu sais, là, des fois les agendas, ils ont deux années. Tu sais, tu peux avoir un agenda avec deux années. Il y en a que c'est l'agenda avec la semaine au complet sur deux pages. L'autre, c'est une journée par page. Ah, je sais pas. Quel genre d'agenda? Là, il faudrait demander à François Landry. Est-ce qu'il y a des bons prix? Parce que moi, j'ai acheté l'agenda Garfield quand j'étais jeune. Ah ouais? Puis t'avais-tu un bon prix? Ben ouais. C'était l'agenda 1995. Ouais, c'est ça. Ben moi, tu sais que les années m'importent peu. Hein. tu vois ça en me regardant, c'est clair. Non, il y avait une bande dessinée par jour dessus. Donc, j'étais vraiment. Okay. Ça, c'est cool. Hein? Ben oui. Eh. Malheureusement, l'agenda de l'UQTR ici n'a pas de bande dessinée. Non, il y a de la pub à toutes les pages. Ouais. Donc, c'est le plan de l'émission pour aujourd'hui. On va exactement. Avoir plaisir. On va avoir aussi de la bonne musique. On va avoir des chroniques. C'est un fait, ça en vient tantôt. On va parler de plein lui, pas l'heure aussi, on va revenir un peu là-dessus, qui va se dérouler en fin de semaine. Donc, Ah ouais? Oui. Eh ben. Après ça, tu vas me parler de genre, on va peut-être parler de Jimmy Hunt. Peut-être. Aye. On va peut-être en faire jouer. Hein? Peut-être. Je pense qu'on serait mieux de le faire. Oh là, ouais. On va commencer par contre avec une pièce que j'ai redécouverte très récemment dans l'émission C'était fou les jeudis 13h. Pas Grimmskunk. Grimmskunk. Ça me surprend que t'aimes ça. Ben moi aussi j'étais surpris, j'étais pas sûr. Même que la pièce, je me rappelle l'avoir déjà entendue assez fou ailleurs là, dans nos nombreuses émissions animées par le DJ ou Jazzler. Et puis je savais pas que c'était du Grimmskunk. Ah. Donc voilà. Donc ça sonne pas comme du Grimmskunk. Ben, ça sonne très bien, en tout cas. Ah oui? Je connais pas tout l'œuvre, comme ils disent en anglais. L'ouvre. L'ouvre? En anglais, ils disent ça. L'ouvre de Grimmskunk. On va écouter la pièce Parfait perdant. Et puis, c'est Assemblage requis ou 89. Pour de tout vivre vraiment. not to me that way. Ça a du rythme. Pas de Jetta, là, Jet. Pas de Jetta, non, non, non. Mais ça a du rythme aussi, une Jetta. Ouais, mais ça part pas tout le temps. Hey, Matt, je te parle un peu des nuits polaires. Ah! Les nuits polaires, en fait, qui commencent aujourd'hui même. Okay. Et ça commence avec le 5 à 7 d'ouverture et vernissage de l'Expo Givré. C'est un concours de photos. Ça se déroule au niveau de l'embuscade. Et c'est à 17h et c'est gratuit. Donc, vous pouvez d'ailleurs aller voir la photo de Danny Janvier qui va être en exposition là. Ah! Oui, qui a passé le premier tour et qui va être du vernissage. Donc, Danny Janvier d'ailleurs qui anime le Dîner de con. Du lundi au jeudi entre 11h et 13h au CIFU 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières et en direct sur Internet au CIFU.ca. C'est exactement ça. Ah, celui-là! Oui, celui-là. Écoute, ce soir aussi, il y a le spectacle de Lily Frost. Partout et chocolat, je t'en avais parlé. Oui. D'ailleurs, je pense que c'est la semaine dernière. Ouais, je crois que c'était l'excellente idée de combiner de la musique, petite salle intime, Porto et chocolat à volonté. Génial. À volonté, j'imagine qu'il doit y avoir quand même des restrictions. Là, c'est mais ça, c'est comme, pour le, c'est comme pour les compagnies de câbles et de téléphone. Là. C'est illimité jusqu'à une certaine. Illimité, mais charri pas. Charri pas. Donc, c'est à 20h à la salle Louis-Philippe Poisson et c'est 16,77 plus taxes. Pas cher. Donc, ouais, ça doit être aux alentours de 20$. Donc. D'ailleurs, voilà, l'Expo Givré, d'ailleurs, se continue. Et puis. Mais sauf pas que c'est vraiment, genre, la meilleure idée du monde d'avoir l'Expo Givré et que la fille s'appelle Lily Frost, comme de la givre. C'est tellement magique, on dirait qu'un génie, moi, cette personne-là, je devrais. Je trouve que c'est plus à bénir, mettons, que certains saints. Ça. Oh! La personne qui a eu l'idée. Mathieu. Je suis peut-être pas les bons termes ici. Ah non, écoute, on va prendre ceux qui passent. Le 21, vendredi, feu d'artifice, ça se passe à 19h au parc portuaire. Tout à fait, c'est gratuit, on sait évidemment. Donc, feu d'artifice, est-ce que tu vas assister à des activités, Mathieu? Ben, il y en a qui me tentent. Ouais. Honnêtement, les feux d'artifice, j'étais content de mon ancien appartement où on était au troisième étage, on avait vu direct sur les feux d'artifice, on a plus ça. Ah ouais. Malheureusement, donc peut-être qu'on va être obligé d'y aller en personne. Peut-être. Peut-être, oui, parce que t'es loin quand même. C'est ça. Toi, est-ce que tu. Sincèrement, je ne crois pas. Ça va dépendre parce que samedi, je vais voir le Canadien. Tu t'en vas voir le Canadien, tu t'en vas payer 75$ pour un hot dog? Non, mais... Non, tu ne feras pas avoir, là. Non. Tu vas traîner dans ta sacoche, hein, ton hot dog, c'est ça? Crie-moi que je vais manger avant. Puis écoute, ce soir lundi, de toute façon, je te reparlerai de ma soirée. D'accord. Le vendredi, toujours le S3 Classic Open, finale ski, c'est à 20h30 sur la rue Art. Je pense qu'après ça, il y a un party, un petit S3 Classic, au bord directement en face, donc le Monkey. Voilà pour ça le vendredi. Donc on tombe au samedi le 22 janvier. On va parler en fait là, le samedi c'est plus pour les enfants, vraiment les activités de jour. Donc il y a le spectacle Tonton Ninou, je sais pas exactement ça ressemble à quoi, mais c'est sûr que en fait c'est pour les enfants. C'est à 11h30 à midi sur la scène Cogeco et c'est gratuit. Beaucoup d'activités gratuites cette année, donc c'est très très bien. C'est bien. Si vous les ratez, ils sont en spectacle un peu plus tard, de 14h à 14h30, toujours sur la scène Cogeco. Donc ça reste gratuit. D'ailleurs, on peut trouver le samedi, d'ailleurs le 22 aussi, le spectacle de Nomadic Massive. C'est du rap, ça. Oui, c'est africain. Je pense que c'est un peu. Ça peut rentrer peut-être dans la musique du monde, là. C'est à 19h, Sainte Cogeco, sur la rue des Forges. Donc voilà, en fait, là, pour se réchauffer. Se réchauffer du froid, et d'ailleurs, il annonce quand même froid. En fait, on parle de moins 25. Donc, il va falloir s'habiller très chaudement. Waouh! Samedi toujours, spectacle de Jimmy Hunt. Jimmy Hunt! Et c'était à 20h à la salle Louis-Philippe Poisson, et c'est 18$ plus taxes. Jimmy Hunt, que vous connaissez peut-être de la formation Chocolat, ou peut-être, en fait, devrais-je dire que vous ne connaissez pas de la formation Chocolat. Mais avec son lancement de CD solo, ça a été plus populaire que Chocolat. Oui, et puis je pense que le gars a reçu une bonne couverture médiatique parce que en fait, je l'ai vu partout. Je l'ai vu. Musique Plus, entre autres. Musique Plus, je l'ai vu. Écoute, un peu partout, pour vrai. Je peux pas te dire. Sûrement dans Le Voir. Oui. Voilà, je pense que ça peut être un bon spectacle. Tout à fait. D'ailleurs, à la fin de mon intervention, je pense qu'on va aller m'entendre une pièce. Après ça, à 21h sur la scène Cogeco, et ça c'est gratuit, le spectacle de Planet Smasher, donc du ska, pour se réchauffer un peu. Je pense que ça peut être bien. Il y a une activité qui a été annulée, c'est la course d'auto sur glace qui se déroulait à Pointe-du-Lac de 9h à 16h. On sait pas pourquoi. Ça c'était le dimanche le 23, non, malheureusement je n'ai pas de détails. D'après moi, je sais pas, c'est pas la température parce qu'en fait il fait très froid. Ça a été en fait la température pas mal parfaite pour ça, non? Je pense que oui. Tu vas avoir une autre raison. Tonton Ninou, il revient le dimanche à 11h30 à midi, toujours sur la scène Cogeco, c'est gratuit. You never have enough Ninou. Bref, je pense que c'est le spectacle qu'on ne peut rater, non, d'ailleurs, parce qu'ils sont. Ils rejouent. Et le dimanche, de 13h à 13h30 aussi, donc toujours sur la scène Cogeco. Dans le spectacle des tirs de roche aussi, de 13h30 à 14h15. Musique traditionnelle, ça. Oui, c'est ça exactement, sur la scène Cogeco, et c'est gratuit. D'ailleurs, c'est ça. Hein, c'est sûr qu'on peut patiner. J'ai fait le tour de la programmation rapidement. Il y a toujours l'expo Givry qu'on peut aller voir à l'embuscade, aller se réchauffer peut-être à l'intérieur, ce truc-là. Donc, voilà pour les nuits par l'heure. Donc, ça va être une belle édition. Si la température le permet aussi, parce que des fois, trop froid, c'est ça devient un peu plus. Pas comme pas assez. Ouais, c'est sûr. On s'habille chaudement, puis en fait, là, faut se décourcir, faut pas avoir peur de bouger. Donc, y a pas de gêne à se mettre des culottes de. Des combines. Des culottes de neige. Ouais. Des tucs, puis mettez-en des pleurs. Des sur-survêtements, puis des sous-vêtements, des sous-vêtements. Ou pas de sous-vêtements. Ou pas de sous-vêtements. Gênez-vous pas. Commando. Comme vous le voulez. Commando à moins 25. Ben oui. C'est vraiment une place. Donc, on va aller écouter Jimmy Hunt avec la pièce Everything Crash. Et après ça, je dois vous dire que pour le reste de l'émission... Quoi? Tout le reste de l'émission, François? Non. On vous donne un minuscule avant-goût de notre nouveau look sonore à partir de lundi. Merveilleux. Donc, soyez là pour le reste de l'émission, une fois de temps en temps. À partir de maintenant. Là. À partir de... pas tantôt. Tantôt. En venant de la pause. En venant de la pause, okay. Exactement. Donc, on écoute ça attentivement. Ah, ouvrez grand les oreilles, là, on vous abreuve de la nouvelle image sonore. Parfait. Alors, on va l'entendre, Jimmy Hunt? Oui. Avec la pièce? Everything Crash. Merveilleux. Rassemblage requis sur C'est fou. 89.1 FM. Image sonore, c'est toujours bizarre comme expression, image sonore. Ouais, mais... Je pense que les gens comprennent. pour se faire dans l'iPod de Marianne. Elle m'a donné son Jack et Me Too et le best of des Éthiopiens. Everton Crush. Chacun sa trompe sonore, on est resté des heures dans sa chambre. Marianne m'a repoussé quand j'ai voulu mettre ma main en ses jambes. Everton Crush. J'ai mis du gaz pour te faire l'iPod de Marianne. Mais j'ai gardé sur Jack Me Too et le best of les Éthiopiens. Everything crush. Je vais devoir me rassembler tous les jours en rêvant à ses mains. Everything crush. Je suis parti refroidissant de revoir Marianne. Mais j'ai gardé son Jack et Me Too et le best of les Éthiopiens. Everything crush. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Inspired by it all. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Mon nom est Jonas. Jonas, enchanté. Enchanté. Très bonne pièce. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendu d'ailleurs. Moi, je ne l'avais jamais entendu. Ah non, jamais. J'étais vierge de Wizard. Wizard. Ou vierge. Oui, tout à fait. Tout à fait, Mathieu Plante. Donc, François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. C'est le moment tant attendu. Non. De partir la dactylo. Vas-y, je te laisse. OK, j'y vais, attention. C'est la chronique, c'est un fait. La chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les trois V, va-va-boum. Va-va-boum. Va-va-boui. Aussi, encore. Ou Veezer. Veezer. Ça veut rien dire du tout. Commençons avec notre premier fait. Savais-tu que le gaz ou la gasoline a déjà été vendu en petites bouteilles? Des petites bouteilles, petites comme ça. Petites comme ta tête ici. D'essence, là? D'essence, oui. C'était une cure pour les poux. Oh, ouais. Ouais. Et ouais, j'imagine que ça devait les tuer... assez instantanément, hein? Ouais. Ça devait chauffer aussi, la cuir chevelue. Ça devait sentir bon aussi. Hey. Il y avait que des avantages à ça. Mettons, exemple, c'est ton père qui t'a le fait, tu vois. Puis il fume une cigarette en même temps. Oh! Il y en a plus de cheveux, il y en a plus de poux, il y en a plus de problèmes. Non, j'imagine que ça devait venir avec une feuille d'avertissement, genre, partez pas le moteur à cause de ça, faites rien autour, désinfectez avec du jus de tomate, je sais pas. Savais-tu que la plupart des supermarchés placent leurs produits de pain, tu sais, les trucs de pain, la pâtisserie, etc., près de l'entrée. Ça, tu savais ça, j'imagine, premièrement. Les pâtisseries sont souvent à côté de l'entrée, les petits gâteaux. Ouais. Les pains aux fruits, etc. Mais dans l'épicerie que je vois, il est complètement dans le fond. Ah, il n'y a pas de pain en entrant. Bon, mais c'est une particularité de ton épicerie, ça doit être une des bonnes. Non, mais sans blague, les pâtisseries sont près de l'entrée parce que les études montrent que l'arôme du pain frais cuit, fait que les clients dépensent plus d'argent dans l'épicerie. Ça leur amène de l'appétit. C'est comme le bon vieux truc de fais pas l'épicerie quand t'as faim. Là. Ouais. Hey, t'en achètes-tu, de la cochonnerie? Oui, à chaque semaine, moi. Et tabarouette. Ouais, mais. T'étais pas une référence, Mathieu, t'as toujours faim. C'est ça, et j'ai une armoire à bonbons à la maison, juste pour vous dire. Ouais, pour vrai? Une armoire à bonbons. Tabarouette. C'est une tablette, là, pas une armoire de trois tablettes quand même, là, mais une tablette de bonbons. Que des bonbons. Je devrais me faire des petits compartiments, des tiroirs, ça irait mieux pour les trouver. prochain fait dans la chronique, c'est un fait. On parle de mauvais conseils ici. En 1557, les docteurs européens ont recommandé la cigarette pour combattre la mauvaise haleine et le cancer. Donc, t'as le cancer, t'as une mauvaise haleine, ben fume. Parce que ça donne une bonne haleine. C'était les docteurs en 1557. Okay. Docteurs en Europe qui conseillaient ça. Parce que moi, ce que j'ai toujours retenu des gens qui fumaient, c'est leur excellente haleine. Ah ouais, tout à fait. Toujours. Tout à fait. Règle. Attention, règle, François-Olivier. Je te donne une règle. En Europe, on dit que les carousels font leur tour dans le sens des aiguilles d'une montre. OK? En Europe, aiguille d'une montre vers la droite. Alors qu'aux États-Unis, les carousels, les merry-go-round, qu'on les appelle aux États-Unis, dans le contraire des aiguilles d'une montre, vers la gauche. C'est vrai. C'est bon. Non, c'est vrai, mais il y avait un carrousel ici au parc. Non, mais de l'hôtel de ville, là, cet hiver. OK. Pour. C'était le marché de Noël. OK. Je me trompe pas. Puis effectivement, en fait, là, il tournait. Comme un aiguille. Ouais. Dans le sens contraire, parce qu'on est comme en Amérique. Ouais, là, ouais. Le Québec, c'est comme America Junior. Ouais. Mais ouais, je viens de réaliser, mais je sais pas, par exemple, qu'en Europe, il virait dans le sens sans arrière. Apparemment. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si l'autre fait, parce que ça, c'est pas dans ma liste de faits prouvés. Mais je sais pas si c'est vrai pour l'histoire, là. Tu sais, dans Simpson, on disait que les toilettes tournaient en Australie. En Australie, puis eux autres, ils avaient inventé un système qui pour la faire tourner. Oui, ça, c'était très drôle, par exemple. J'ai aucune idée, ça, si c'est vrai, par contre. L'État avec le plus long nom, l'État américain avec le plus long nom, d'accord, est aussi le plus petit État. C'est, devine, c'est lequel, premièrement? Plus long nom. Vite de même, le plus long nom d'État. Non, là, Toc, pas... chrono. C'est le Rhode Island. Oh. T'aurais jamais deviné ça. Non. C'est un État qui vient pas à l'esprit. Non, vraiment pas. Donc, le vrai nom de l'État au complet, okay, c'est State of Rhode Island and Providence Plantation. C'est le nom complet du Rhode Island. Et c'est aussi le plus petit État des États-Unis. Eh ben. Un chimpanzé dans un zoo de Russie a dû aller en rehab ou en traitement parce qu'il est devenu accro à l'alcool. Est-ce que tu savais ça? C'est pas vrai. C'est vrai. C'est un chimpanzé qu'on appelle Zora est devenu un alcoolique et accro à la cigarette parce que les visiteurs arrêtaient pas de lui offrir de l'alcool et des cigarettes pour leur propre divertissement. Le député Deputy Head, qu'on appelle du Rostov Zoo, dit que les officiels du zoo ont fréquemment demandé aux visiteurs d'arrêter de cesser ce comportement. Je pense que ça marche pas. De cesser ce comportement, voilà. Mais ça n'a pas fonctionné. Zora a même été mise, je ne sais pas si c'est un gars ou une fille, derrière trois clôtures pour empêcher les gens de lancer des affaires. Mais les drogues ont toujours réussi à se rendre à lui d'une façon ou d'une autre. Le primate perturbé a été maintenant transféré à un autre endroit pour se faire réhabiliter, mettons. Ça doit pas être évident. Non. Réhabiliter un singe, là. Ouais, je sais pas, mais s'ils sont aussi intelligents que nous dans certains domaines, peut-être qu'ils vont pouvoir apprendre. Peut-être qu'ils peuvent se sortir de ça. Hein. Avec des jetons, peut-être, un système de récompense, les 12 étapes, l'affaire avec Dieu, il faut que tu fasses les pardons pis tout, là. Les AA, là. Ça, c'est toujours efficace, hein. Ça, parce que les gens reviennent jamais après ça dans l'alcool, là. Fini, ça. Parce que Dieu t'a pardonné. T'as beau la force de comprendre. T'as l'air pas mal au courant, mon ami. Je sais pas, hein. Les chercheurs japonais essaient de ramener les mammouths à la vie. Aha! OK. Aha! Mais ça, c'est récent, là. Oui, oui. Recent. Le plan, ce qu'on planifie, c'est cloner un mammouth pour créer un nouvel embryon de mammouth pour qu'ils puissent l'implanter dans l'utérus d'un éléphant des temps modernes. Donc, l'animal préhistorique, le mammouth... Ah, c'est un drôle de mélange. Ça est Colin, oui. Est extinct depuis longtemps. Est en extinction. Non, il est disparu depuis longtemps, tiens. Heureusement, les scientifiques ont accès à l'ADN du mammouth. Ils ont obtenu ça d'un échantillon de tissu, là, de tissu à l'intérieur du corps, là, comment on appelle ça? Genre de muscles ou quelque chose. Ouais. Bref, des restants d'un mammouth en Russie. Vu que les éléphants congelés. Modernes... Congelés, je sais pas, peut-être. Les éléphants modernes sont ce qu'il y a le plus près du mammouth dans le temps d'aujourd'hui, si on veut. Donc, on va utiliser un éléphant pour faire naître ce mammouth-là. Ils espèrent avoir créé un mammouth vivant d'ici les 5 à 6 prochaines années. Le processus qui va être utilisé pour recréer le mammouth a déjà été testé sur des souris, nous dit-on. Les chercheurs, en 2008, ont réussi à cloner une souris à partir de cellules congelées d'une souris qui était morte depuis 16 ans. Wow! Wow! Wow! Mais ça, c'est légal. Ah, apparemment, je sais pas ça, par exemple. Bonne question. Et puis, ça se déroule où? Ça se déroule en Russie? Non, ça disait pas la ville, ni l'endroit, ni le pays. Non, oui, non, c'est ça. C'est un mammouth qui vient. Les restants du mammouth venaient de Russie. De Russie. Mais je crois pas que ce soit en Russie qu'ils fassent. Je sais pas. Bonne question. Savais-tu que le Coca-Cola est vendu dans plus de 200 pays? OK. Non, je sais pas. Ça va pas ça, hein? Je t'en apprends, les enfants. Un autre petit fait rapide. Tu connais peut-être la ville de Snowflake en Arizona? Ça me dit quelque chose. Parce que des fois, on en parle, parce que bon, tu sais, la neige commence. Bon, en Arizona, tu sais, la ville s'appelle Flocon de Neige. Ha ha ha ha ha. Ben, tu sais, salut, bonjour, etc. Mais Snowflake, ce n'est pas à cause des flocons de neige. Ce n'est pas à cause de la neige en Arizona, non. Ça a été nommé d'après les chefs mormons. Tu connais la religion mormone, là? Ben, comme tu n'entends pas quand tu parles. donc, les chefs mormons, Erastus Snow, pardon, et William Jordan Flake, donc Snow. Snowflake, Arizona. Ah. Débile. Débile. Quand Milton... Débile, tu l'as dit, man. J'ai essayé les adjectifs aujourd'hui. Quand Milton Bradley a amené le jeu Twister en 1966, d'accord, Milton Bradley, la compagnie de jeux de société, ils ont... les critiques ont... on devine quoi? Critiqué, hein? Le jeu disant que c'était du sexe dans une boîte. Mais ça ressemble à ça. C'est à peu près ça. Ça ressemble à ça. En même temps, vois-tu, je vais te faire une confidence. Vas-y. Je n'ai jamais joué à ça. Ah, moi non plus. Jamais. Faudrait qu'on joue ensemble. Ça pourrait être agréable. Ouais, ou pas. Là. Non, on va bien. Ouais. Ben, c'est... Chose à la fois. Allons-y tranquillement. Oh, ouais. Notre futur ensemble. Débile. On vient de commencer à nous. Débile. Débile. OK, je vais te... Est-ce que j'en ai... J'adore ce mot-là. On dirait que tu l'as fait revivre dans mon vocabulaire. Là. Bon, ben parfait. Commence à l'utiliser plus souvent. Le film Pirates of the Caribbean at World's End, le troisième film de la combien qu'il y a de films là-dedans, je sais pas, mais de la série de films, là, mettons. Il parlait d'en faire un cinquième. Bon, donc, il doit en avoir quatre. Parfait. Donc, c'est le film le plus cher qui a jamais été produit. Débile. Avec un budget de 300 millions de dollars, le troisième film des Pirates des Caraïbes prend la couronne. C'est le film le plus cher produit jusqu'à maintenant. C'est pas Avatar? Ben non. Ben apparemment, non. En tout cas, heureusement, ce film-là a aussi réussi à faire trois fois le prix que ça a coûté en revenus partout dans le monde. Arrivant en deuxième place et en troisième place, tu vas être surpris, le film Tangled. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, du tout. En français, il s'appelle Réponse. C'est le film là avec la fille avec la couette longue là, tu sais le conte là dessin animé, là. La couette longue qui descend d'une tour, tu connais peut-être l'histoire. Ah de oui, ça? Oui oui oui oui, ben ah. c'est récent là, c'est très récent. Ouais exactement. Ouais ouais, j'ai vu les news, j'ai pas vu le film là. C'est donc dans les films Réponse. Les plus chers, Réponse. R A I P O N S. Apparemment que le conte existait de toute façon en français sous le nom de Réponse, mais au Québec, en tout cas, moi je pense qu'il y a pas grand monde qui était au courant du. Non, non, non. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas Tangled, non, c'est Rapunzel le nom de la fille. Et puis apparemment que ça s'est bien connu là-bas. Troisième position, Spider-Man 3. Chacun avec un budget d'environ 260 millions, mais ça va bientôt descendre une couche, un peu comme les cheveux de Réponse d'une tour, à cause de Peter Jackson et sa future adaptation en deux parties de The Hobbit. Donc, ça va faire descendre les autres. On va aller avec un dernier. Un chat de Boston a été c'est vu pas offrir. Comment tu dis quand tu dois aller en cours être juré? Tu te fais appeler comme jury. Tu te fais appeler comme jury. Bon. Donc, couple du Massachusetts, Anna et Guy. Guy Esposito. My name is Guy Esposito. I'm Guy Esposito. Mafieuse. Ils ont reçu une lettre par la poste le mois dernier. C'était pas pour eux deux, mais pour leur chat Sal. Sal, S-A-L. D'accord. La raison pour le mélange, c'est à cause que, en fait, Anna a listé Sal comme un membre de sa famille dans un recensement exactement, américain. Donc, évidemment, Anna a essayé de faire disqualifier le chat parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux toi-même te disqualifier pour ne pas aller te présenter en tant que juré. En disant que Sal n'était pas capable de parler et ne comprenait pas l'anglais. Elle a aussi joint une lettre de son vétérinaire qui disait que Sal n'est pas un humain, mais à la place, un chat domestique à poil court. Ils ont même rajouté opéré. C'est niaise. Donc, le vétérinaire a écrit ça, là. Je pense que c'est crédible. Ah, bon. Donc, bizarre retournement de situation. La cour a rejeté l'appel de Anna, ce qui veut dire que Sal va devoir se présenter à la cour locale le 23 mars prochain. Anna s'attend à ce que Sal doive miauler lorsqu'on lui demandera son verdict au sujet du cas. Rock révélé. Je peux pas croire. Ouais. Non, je peux pas croire moi non plus. C'est dur à croire. Blague infamous. Voilà donc pour mes faits dans la chronique. C'est un fait. Ah, je peux pas croire, Grim, qu'un chat, ils ont rejeté son... Mais il y a un nom d'humain. C'est ça qui arrive quand tu donnes un nom d'humain à un chat. Et le chat, il se perd pour un humain, puis ça en va témoigner à gros corps. Oui, oui, oui. Puis c'est quand même bizarre aussi que tu l'inscrives au recensement. Ouais, ben ça, c'est vraiment une blague, là. Ouais. La madame, tu sais, bon... Ah ben, il est tellement proche de moi, il mon chat! Il fait partie de la famille! C'est comme mon fils! Hey, en tout cas... J'adore ça. C'est pas très loin d'une maladie mentale. Ah, bon, là, on s'emporte, là, François. Retire tes paroles tout de suite, là. Les poursuites s'en viennent. Je m'excuse. Les poursuites s'en viennent. Je vais devoir envoyer mon chat pour témoigner contre toi. Ah, ouais, fallait raser avant, mais disons. Mon chat, faut que je le fasse raser parce qu'il y a des boules de poêle. Ah, t'es fin. Bon. D'accord, pour cet effet, ça va revenir lundi parce que c'est une chronique quotidienne. Dans Assemblage Requis. Dans Assemblage Requis. Il n'y en a pas beaucoup, les chroniques quotidiennes, faut dire. C'est débile. Les autres, on ne fait pas souvent les chroniques quotidiennes, je trouve. Non. Mais c'est toujours plaisant comme émission et puis il y a toujours du contenu, donc... Ah, ben, c'est important. Mon chat écoute ça tous les jours. Ton quoi? Mon chat. Ton chat. Mais j'espère radio ouverte mon chat, je devrais. Mais oui. Ça le divertirait. Un peu. Ouais. Bon. Tokyo Police Club, qu'est-ce que t'en penses? On va l'entendre, la pièce Nautique. Nautique. 89 FM. Et après ça, tout à l'heure, on va revenir, hein, évidemment, parce qu'à la radio, on fait ça. On va en musique, on revient, on va en musique, on revient, on va en musique, on revient, on va en musique, on revient. Une pause de musique, on revient. Ouais, c'est ça, j'ai oublié les pauses, là, parce que là, à un moment donné... C'est un fait. Ah oh, ouais. C'est débile. C'est débile, au 89 FM. you need, what do you need? Is it a call for an emergency? So what is it like for your song on karaoke night? Oh, Carolina, happy belated, always golden, still the greatest. La pièce nautique de Tokyo Police Club, pièce que j'ai dans la tête pas mal en permanence de ces temps-ci, François. Je te referai jouer, tu l'auras peut-être dans la tête ben un oui, jour. Ben oui, certainement. Si je dois souffrir, tu souffriras aussi. Hein? C'est la morale de la chose. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis, ou comme on appelle, R. Non, mais Assemblage requis. R. Oh. Comme un pirate. Là, pas compris. Ouais. Deuxième heure tantôt avec Simon Fitzbé et sa chronique Phénomène. On parle de Frank Zappa. Ça va être parfait. Je ferai même pas de jeu de mots avec Zappa parce que ça serait trop prévisible. À la place, je les ferai avec Simon tout à l'heure. Pour l'instant, l'info campus, François, restez. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bon retour, deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce jeudi 20 janvier. Tout à fait. Et j'aime bien, je vais te le dire tout de suite, j'aime bien les nouveaux enrobages. Oui, ben c'est ça, tout le long de l'émission, François, tu fais bien de le rappeler, on vous présente un avant-goût de ce qui s'en vient lundi dans le tout nouveau, mais exactement pareil, sans presque changement du tout, d'Assemblage requis. Donc ça commence lundi, qui s'en vient juste là, celui-là. Non, c'est très plaisant pour mes oreilles, en tout cas. Ben pour les miennes aussi, pour Simon aussi, je l'espère, n'est-ce pas, Simon? Oui. Bon. Parfait, ça, Simon, bien joué. T'embarques dans nos niaiseries. Donc, Simon Fitzbé. Phénomène. C'est quoi cette danse-là? C'est juste les mains, hein? Ouais, c'est le frotti-frotta. Le frotti-frotta, c'est comme si tu passais des serviettes sur un plancher mouillé. Ouais. Ou que tu lèvais ton poil. Ou la table. Ouais. Salut Simon Fitzbé. Bonjour Mathieu Plan, bonjour François-Olivier Marchand. Bonjour Marchand. Monsieur Fitzbé. Ça va bien? Très bien, vous? Bien, merci. Oui, oui, passé une belle semaine depuis la semaine passée. Oui. Merveilleux. Pas mal plus relaxant, pas de travaux à faire. Ah non? Relax. Wow, c'est rare ça. La vie est belle, on souhaite que ça continue pour un petit bout. Ce sera pas trop long que ça risque de tomber dans la routine. Ben laisse faire d'abord. Donc aujourd'hui, tu commences une série de deux chroniques sur Frank Zappa. Oui, on parle de Frank Zappa aujourd'hui et la semaine prochaine parce qu'il y avait une carrière tellement intéressante, tellement grosse que c'était difficile de résumer ça en 20 minutes. Surtout au côté de la musique, là, puisqu'il a lancé à peu près 96 albums de son vivant. Donc, ça fait beaucoup à couvrir. Uh-huh. Donc, il aurait été difficile également, suite à une chronique sur le génie qui était le Captain Beefheart, donc de pas faire part ou de pas vous parler, en fait, de son alter ego, un véritable virtuose de la guitare ainsi que le plus grand compositeur des temps modernes. Cette semaine, donc, je vous parle d'un des plus grands musiciens de l'histoire de la musique, un homme qui s'est tenu loin de la grosse méchante drogue en carburant uniquement à la cigarette et au sandwich de saucisse brûlée. Ah, miam! Frank Zappa. Ça fait rapport à un nom d'album, ça. Ah, oui. On reviendra. Zappa au courant. Oh, Zappa au courant, on commence. Oh! Bon. C'est pas fini. Oh non, c'est dès qu'elle commence. La chanson. Mais donc, Frank, mais pas Francis ou Francisco. Frank. Son nom, c'est Frank. Frank. Pas François-Olivier Marchand. Pas François-Olivier Marchand, non. Lui, vraiment, son nom, son baptistère, c'est Frank. Il naît le 21 décembre 1940 à Baltimore d'un père gréco-italien et d'une mère franco-italienne. Donc, beaucoup d'Italiens dans sa famille. Alors qu'il a 5 ans, sa famille déménage dans la petite ville de San Bernardino, en Californie, près du désert du Mojave. Donc, pas loin d'où c'est que le Captain Beefheart allait déménager également quelques années plus tard. Alors qu'il était encore jeune, il convainc le restaurant local de Chili de commander et d'intégrer ses pièces favorites de R&B dans le jukebox de l'endroit, en promettant de venir chaque jour après l'école pour écouter les fameuses pièces de R&B. Il mettait de l'argent dans le jukebox et mangeait du Chili. Il disait que c'est les plus belles années de sa vie à découvrir la musique grâce à ça. C'est du Chili. Con carne ou c'est quoi l'autre mot pour sang? Sin carne, je pense. Ouais, mais je pense que c'est con carne. Con carne, c'est avec de la viande, ça. Ouais, je pense que oui. C'est... Donc, quelques années plus tard, alors qu'il joue des percussions dans l'orchestre de l'école, il tombe sur un article où un disquaire présente le compositeur Edgar Varèse. C'était donc un compositeur de musique contemporaine qui utilise diverses méthodes éclectiques afin de réaliser ses œuvres. Zappa est fasciné par, entre autres, la pièce Ionisation, qui est une pièce qui joue sur la rythmique. Il découvre également, au même âge, Igor Stravinsky et Anton Webern, donc à cette époque-là. La composition et l'orchestration passionnent tellement le jeune Frank qu'il va composer et arranger des pièces d'avant-garde avant même la fin de son secondaire. Donc, il était déjà très en avance sur son temps à cette époque-là. Après une courte carrière de compositeur de musique de film, de compositeur pour des chanteurs pop, incluant également une participation à l'émission de télé de Steve Allen où il jouait de la bicyclette. On peut voir une vidéo sur YouTube. C'était Tonight Show, ça? Steve Allen? Non, Steve Allen, c'était l'équivalent du Tonight Show. Okay. Mais dans la même période, je crois, mais un petit peu au début, bref, du Tonight Show. Il y a eu également quelques enregistrements avec le Captain Beefheart. Par la suite, il s'installe au Studio Z. C'est un studio qu'il avait racheté où il pouvait faire du cinéma et de la musique et il avait décidé de le baptiser le Studio Z. C'était à lui, là. C'était à lui, exactement. En fait, il le louait, mais c'était son entreprise. Okay. Il était sa personne d'autre. Ils étaient à personne d'autre, exactement. Ouais. Et il joue dans un groupe qui se nomme The Mutters, donc M-U-T-H-E-R-S. Il était guitariste pour ce groupe de R&B. Et après quelques démêlés avec la justice qui croyait que Zappa produisait des films pornographiques dans son studio, il est emprisonné pendant quelques jours et perd plusieurs enregistrements qu'il avait fait. Finalement, n'arrivant pas à payer le loyer pour le studio Z, il est expulsé et l'édifice est détruit quelques jours plus tard. Mais c'était vrai, il tournait vraiment des films ou... Oui, mais c'était pas pornographique. Okay. Il tournait des films de série B avec très très peu de budget. Il a également aidé à tourner quelques films qui ont connu un petit rayonnement, mais vraiment pas gros, là, dans le coin de la Californie. Et en 1965, donc, il se joint au groupe R&B de Soul Giant en tant que guitariste. Il est rapidement devenu le chef de la formation et convainc les membres du groupe à jouer ses compositions afin d'augmenter leurs chances de décrocher un contrat. Il va également renommer le groupe The Mothers le jour de la fête des mères, donc Mothers cette fois-ci M-O-T-H-E-R-S. Et au début de 1966, ils se font remarquer par Tom Wilson, producteur de Bob Dylan et Simon & Garfunkel. Ils signent les Mothers sur Verve Records, l'étiquette jazz de MGM. Le groupe doit changer son nom, par contre, pour les Mothers of Invention, puisque Mothers rappelle trop le gros mot motherfucker. Ouais. On peut dire ça. Qui traduit mal en français. Ouais, et qu'on est mieux de garder en anglais, dans le fond. C'est... On va pas se faire taper sur les doigts. Non, parce qu'en anglais, on a le droit de tout dire, vu que les gens ne les comprennent pas. Ben non, mais c'est une chronique sur l'histoire de la musique. C'est les mots utilisés. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Les citations, bon. Exactement. Puis c'est un terme médical aussi. C'est des mots qui existent. Non, je pense pas. Non, hein? C'est un mot qui existe, ouais. Ouais, donc le groupe lance Freak Out en 1966. L'album mélange R&B et doo-wop, ainsi que la musique concrète qui représente à merveille la culture freak, c'est-à-dire des hippies sales de Los Angeles. Faut dire si San Francisco était le royaume des hippies, Los Angeles était le royaume des freaks, les gens donc qui étaient un petit peu des anti-hippies. Zappa se fait donc remarquer comme un des noms à surveiller dans le monde musical. On pourrait dire que c'est un homme Zappa. Un homme Zappa, oui. Oui. Mettons. Ah oui, vraiment. Qu'on vraiment. Avait, donc, il s'est fait remarquer grâce à ça. Il est devenu un homme Zappa. Voilà. Oh. Et les arrangements donc originaux ainsi que l'audace du premier album en ravit quelques-uns, mais en surprend plusieurs. Donc, l'album va se démarquer, entre autres, avec des compositions telles que Return of the Monster Magnet, une pièce d'avant-garde de 12 minutes, la pièce It Can't Happen Here, des collages de cris, ainsi que les pièces Who Are the Brain Police et Motherly Love. Par contre, comme on est le matin, il est quand même tôt, j'ai sélectionné la pièce la plus pop, la plus radio de l'album, qui se nomme Hungry Freaks Daddy. Donc, voici... Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. They won't go for no more great Midwestern hardware store philosophy that turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds. The left behinds of the great society. Supermarket dream. Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage pride, the useful minds that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried. Those hungry freaks, Daddy. Philosophy that turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds. The left behind of the great society. Ta ta ta ta ta. Ah. C'était les Mothers of Invention avec la pièce Hungry Freaks Daddy, tirée de Freak Out, du premier album du groupe. La formation menée par Frank Zappa, bien sûr, lancée en 1966. Et donc, par la suite, les Mothers vont aller s'installer à New York, c'est-à-dire vers la fin 1967, alors que Verve lance le second album, la formation Absolutely Free, et qui permet aux admirateurs donc d'apprécier encore plus la musique des Mothers of Invention, avec la pièce, entre autres les pièces Plastic People, ainsi que Brown Shoes, donc Make It, qui ajoute une dimension satirique, donc populaire dans le milieu contre-culture. Donc, ce groupe des Mothers of Invention. À New York, le groupe décroche un contrat de près de 6 mois dans le Garrick Theater et s'attire une foule de groupies littéralement hypnotisées par la gestuelle de Zappa lorsque celui-ci conduit son groupe sur scène. Parce qu'il était non seulement musicien, mais également chef d'orchestre sur scène. Et lorsqu'il y avait des séances d'improvisation et tout, il était extrêmement synchro et donc il disait vraiment aux musiciens « Ok, toi vas-y ». Et selon le geste qu'il faisait, il disait aux musiciens de faire telle chose ou telle chose d'autre. Donc, il fallait vraiment le regarder lorsque... Comme c'était un homme assez fort. Ah oui, c'était assez particulier comme personnage. Un bourreau de travail qui était vraiment un vrai génie. Donc, le bourreau de travail, on va revenir la semaine prochaine. Ça va être sa période la plus féconde. On va revoir ça un peu. Et donc, le groupe finalise les enregistrements, entre autres, de son chef-d'œuvre We're Only In It For The Money, entre deux tournées, une en Europe et une aux États-Unis. Il comporte, entre autres, We're Only In It For The Money, une pochette réutilisant celle de Sgt. Pepper's, des Beatles. Donc, les Mothers sont tous en lignée avec des morceaux de carton. Jimi Hendrix, entre autres, qui est sur la photo, qui était de passage. Je me demandais de suite sur l'album. Et il était écrit The Mothers à la place qu'il soit écrit The Beatles comme... les Beatles, c'était écrit en fleurs, mais les Mothers, eux autres, c'est écrit en fruits et en légumes étalés un peu partout à terre. C'est un peu moins beau. Et donc, We're Only In It For The Money, une musique encore plus expérimentale. Entre autres, il y a une pièce qui comporte le centre de cette pièce-là, en fait, c'est des conversations téléphoniques, tout simplement. Qui c'est juste pas. Ouais, c'est juste ça. Donc c'est assez particulier. L'album est lancé en 1968 et on se paie la gueule des hippies et du Flower Power sur cet album. Les deux albums suivants vont être fondamentalement différents de ce qu'on avait vu pour les Mothers, entre autres Cruising with Reuben and the Jets, qui est un disque à saveur doo-wop, qui fait douter les fans du groupe. On se demande vraiment donc si c'est une satire ou si c'est un hommage à la musique doo-wop. Et l'album Uncle Meat, qui est un assemblage de collages sonores qui impressionne les amateurs de musique concrète, donc qui montre également les talents de Zappa derrière les enregistreurs du studio. La musique concrète. C'est-à-dire une musique... musique concrète? C'est une musique qui est concrète. Ah, d'accord. Bon. C'est pas quelque chose qui est fait par des instruments nécessairement, mais souvent on va servir d'un enregistrement ou maintenant on pourrait dire d'informatique. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Okay. C'était des raboutements d'enregistrement. C'est un petit scrapbooking, finalement. Si on veut, ouais. Mais c'est pas des partitions normales. C'est des partitions qui sont vraiment bizarres. Là. Bien souvent, on va faire des cercles. On va voir les notes en cercle. C'est assez compliqué. C'est des sons qui sont pas nécessairement non plus traditionnels, qui sont utilisés dans la musique concrète. Là, je vous montre un exemple la semaine prochaine avec ce que Zappa a fait par la suite. Ou sur Freak Out, d'ailleurs, on a un bel exemple de musique concrète. Mais la pièce durait 12 minutes. Donc, pour la chronique, ça va être un peu court. Un peu long, en fait. C'est également à la fin des années 60, alors qu'il est encore avec les Mothers, que Frank Zappa lance ses deux labels, Straight et Bizarre, où il a d'ailleurs produit l'album Troop Mask Replica de Captain Beefheart, que nous avons vu la semaine dernière, et également les débuts d'Alice Cooper et le groupe GTOs. Lors du retour des Mothers à Los Angeles, Frank décide de mettre fin à la formation, qui comptait quand même 9 membres en plus de lui. Et il devait tous les soutenir financièrement lorsque le groupe n'était pas en tournée, lorsqu'il n'enregistrait pas ou ne vendait pas d'album. On est alors en 1969 et c'est l'année qu'il lance son premier album officiel, Hot Rats, un album de fusion majoritairement instrumental qui établit Zappa comme un excellent guitariste et qui renforce son image de compositeur. Changez pas de poste ou encore ne zappa pas. Oh! Parce qu'on parle de Frank Zappa. Elle est bonne celle-là. Pas pire, hein? Ouais. Une des meilleures. We'll be right back. La pièce Peaches in Regalia, qui est la toute première qu'on retrouve sur Hot Rats en 1969, qu'il a été lancé cet album-là. Et c'est dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Mon nom est Simon Fitzbay. Enchanté. Enchanté. Bonjour. En 1970, maintenant, Zappa reforme les Mothers, mais avec d'autres musiciens, dont trois anciens membres des Turtles. C'est avec ce groupe qui enregistre Chunga's Revenge et la trame sonore du film 200 Motels, un docu-réalité qui portait sur les Mothers, où l'on retrouvait également comme acteur Ringo Starr. Oh! Dans le film. Ah ouais? Ouais, Ringo commençait sa carrière d'acteur au début des années 70. Commençait et terminé ou non? Ah? Est-ce qu'elle a été longue, sa carrière de... Je me rappelle plus. Quand même. Quand dans même. Les années 70, il a fait, quelques films qui n'étaient pas nécessairement des films qui allaient être aux Oscars. Ouais, c'était pas des chefs-d'œuvre, mais ça valait la peine quand même à regarder. Mathieu, est-ce qu'on a une blague sur les Turtles? Non, ben ça me donne faim, mais non, j'avais pas pensé à ça. Avec ton armoire à bonbons à la maison, oui. Je m'attendais à... Ben, armoire, tablette, c'est mettons une tablette, là, okay. C'est quand même profond, là, mais chocolat, puis bonbons, jujubes, réglisse. Yam. Un truc comme ça. Turtles, non, je te dirais que je pourrais pas sauter sur ce jeu de mots-là de peur de me clencher trop de vie. Sauter sur une tortue dans Mario Bros, c'est une nage, c'est quand tu fais tonk, tonk, tonk, tonk, tu fais comme des points, puis là, tu as des vies à la fin quand tu fais tonk, tonk, tonk. Mais ouais. Mario Bros 1. Frank Zappa. Frank Zappa. À la fin de l'année... En fait, la fin de l'année 1971, connaît ses ratés, et ça, c'est assez particulier. C'est quand le groupe, entre autres, donnait un concert au Casino de Montreux, en Suisse. Et l'équipement a pris feu lorsque un feu d'alerte, un flare en anglais, je savais pas comment traduire... Un feu d'alerte, tout simplement, un peu comme... D'urgence, là, que... Un feu d'urgence. Tu allumes en arrière de ton auto. Ouais, exactement, exactement. Il y a un fan qui a allumé ça, et un grand génie l'a lancé sur la scène. Un très grand génie. Ouais, très, très intelligent. Ça brûle très longtemps, ça, en plus. Et oui, et ça brûle très longtemps, et ça fait brûler tout ce qui est autour, puisque ça a mis le feu au casino. Et donc, d'où la phrase célèbre de Frank Zappa que Alain Lefebvre m'a raconté. Il aurait dit, pendant le concert, simplement, il est arrivé très, très calme, et il a dit, le toit est en feu. Non. Et donc, c'est le casino a brûlé. Et l'événement a été rapporté par le groupe Deep Purple dans sa fameuse chanson Smoke on the Water. La fumée sur l'eau, ben, c'est celle du casino de Montreux où Zappa et les Mothers donnaient un concert. Et après une semaine de congé où le groupe a pris quelques temps pour se reposer de cet événement, il donne un concert au Rainbow Theater, de Londres avec de l'équipement loué. Et pendant le concert, le copain jaloux d'une admiratrice monte sur scène et pousse Frank Zappa en bas de celle-ci sur le sol de ciment. Il n'y a pas de sécurité, pas rien. Ça a l'air que non. Oh, il n'y avait pas beaucoup de sécurité. C'était pas les Hells Angels. Hein, non, non. Pas comme les Rolling Stones. Il a malheureusement été forcé au repos dans un fauteuil roulant pendant près d'un an. Il avait des côtes fracturées, un problème de dos. Et son larynx a été touché également. Et sa voix a baissé de près d'une octave. Là, vraiment, a été pas mal plus bas par la suite. Pendant un an, les Mothers ont été mis également en congé forcé. Et ils ont décidé de se séparer et former le groupe Flo and Eddie's Band. Pour bien sûr, parce que les autres n'étaient pas payés pendant ce temps-là. Si Frank ne pouvait pas faire d'argent, eux autres non plus. Ils ont décidé de quitter Frank Zappa. Et pendant cette période-là, il va quand même lancer les albums Waka Jawaka et The Grand Wazoo, deux albums à saveur jazz qui rappellent Hot Rats. Il était plutôt appuyé par d'anciens Mothers et des musiciens de studio à cette époque-là. Il est remis sur pied à la fin 1972 et il repart en tournée avec un big band complet, le Grand Wazoo Orchestra, donc à la fin de l'année 1972. Et en 1973, on marque le début d'une popularité internationale sur l'avant-scène de Frank Zappa, donc lui qui était alors reconnu dans le monde de la contre-culture. Entre autres, il va lancer les albums Overnight Sensation en 1973, Apostrophe qui comporte la pièce Don't Eat the Yellow Snow, qui va se hisser dans les top 10 du palmarès en 1974, et le célèbre Bongo Fury qui relate plutôt sa tournée avec le Captain Beefheart, donc en 1975. On en avait parlé de ça la semaine dernière. Pas manger la neige jaune, c'est toujours une phrase à retenir dans la vie, je trouve. Oui. Ça m'a, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, crème, c'est une vérité. Il faut pas oublier ça, c'est pas de la limonade. Hein, non, non, non. À moins que quelqu'un mette de la limonade dans leur main. Oui, oui, parce que là, sinon, ou si tu bois la limonade toi-même puis que tu la sors, à un moment donné, peut-être que ça va goûter un peu la limonade. Là. Ouais, j'essaierai pas. Non, bah, peut-être essayer. Envoyez fort. Okay. J'encourage. Merci. Je vous en reparlerai. Ouais, ouais. Oui, donc, bref, pour terminer, on peut dire que Zappa a connu un début de carrière sur les chapeaux de roue après les premiers albums des Mothers. On reconnaît son génie. Sa carrière est de plus en plus exceptionnelle qui l'a mené aux quatre coins de la planète et lui a permis de former une base solide de fans avec donc sa musique folle et expérimentale. Mais la légende que Frank Zappa n'est pas encore complète. Frank va-t-il finalement succomber à la drogue? Va-t-il tout laisser tomber pour devenir une star du disco? Va-t-il se présenter comme président des États-Unis? Pour connaître la fin de l'histoire, nous vous invitons à la semaine prochaine, même heure, même poste. Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. And my mama cried. And my mama cried. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. Peek-a-boo. And he started in the whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. That got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly yellow snow. The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion, rub it. And then in a fit of anger, I pounced, and I pounced again. Great googly moogly. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up. Around and he said, well, no, no, I can't see you. He took a dog do snow cone and stuffed it in my right eye. He took a dog do snow cone and stuffed it in my other eye. And the husky wee wee, I mean the doggy wee wee, has blinded me. And I can't see temporarily. Frank Zappa, donc, avec la pièce Don't Eat the Yellow Snow, qui est parue en 1974 sur l'album Apostrophe, qui était une version radio et qui s'est hissée dans les top 10 de la radio. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Zappa qui est devenu beaucoup plus populaire et un peu commercial, si on veut, dans le milieu des années 70. Ah, en tout cas, sa fin de chanson fait une très belle sonnerie de téléphone. Oui. Effectivement. Oui, c'est assez particulier comme fin de pièce. Oui, c'est, ben, en fait, c'est justement, c'est que c'était une suite vers la troisième pièce de l'album qui était une pièce avec les xylophones. Cool. Ouais, il faut écouter l'album pour vraiment... C'est concept. Dénoter. Ouais, c'est très concept. Zappa a toujours été assez... lui, quand, lorsqu'il faisait un album, c'était un album. C'était pas juste pièce après pièce. Mm. C'était très pensé. Donc voilà. Merci beaucoup. Frank Zappa sera de retour la semaine prochaine. Oui, et moi, je peux dire, François, si tu me le permets, oui? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Ça fait moyennement dans le Zappa, là, mais bon. Ben, je peux pas dire que Zappa a appris grand-chose. Ouais, non. Si j'avais connu le sujet, j'aurais pu dire ça. Ça aurait été encore plus drôle, mais ça aurait pas été vrai. Moi, mes blagues sont toujours très, très véridiques. Bon, donc, merci beaucoup, Simon. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. C'est quand? C'est jeudi matin? À 8h. Jeudi matin, 8h, mais oui, certainement. 8h le matin. On peut te retrouver d'ailleurs ce midi. Oui, dans le dîner de con. Dans le cadre du dîner de con. Le scout des internets. Le scout des internets. C'est ça, scout des internets. Toujours prêt. Toujours prêt. Et le vendredi, dans l'émission du vendredi, c'est ta chronique sur les éphémérides du rock. Effectivement. Soyez-y, be there. Yes. Voilà, merci. Ah, et même ce soir, d'ailleurs, dans ton émission. Ah, c'est vrai, ce soir, à savoir du moment. À 21h. Excuse-moi. Oui, sinon. On va essayer de rendre hommage à Trish Keenan, qui est décédée, chanteuse broadcast, qui est décédée à l'âge de 42 ans. Également, on va avoir de la très bonne musique de They Might Be Giants et beaucoup d'autres. Ah, là, par exemple, si tu me dis They Might Be Giants, là par exemple, tu Mathieu est content. Je savais que ça, c'était un groupe qui. Ça n'a pas le choix. Ouais, c'est geek à souhait. Oh oui. Donc, la saveur du moment, c'est ce soir, jeudi à 21h. Rediffusion lundi à 17h. Donc, soyez-y. Vous êtes toujours Assemblage Requis, François? François. Non, présent. Mathieu. Ah, présent, oui. Okay. Mais c'est ça, c'est juste. Mais je pensais que tu t'en allais dire François Landry. Non. Non? Toi, ce que tu disais. Oui, mais François Landry va être ici juste après la pause. Oui. Avec nous. Et pour sa chronique Logocratie 101. Est-ce que je vais tout appuyer dessus? Ah, bon, vas-y. Je te laisse aller. J'allais dire. Qu'est-ce que t'as à dire? Pour le reste de l'émission, on continue notre série d'avant-goût sur la nouvelle image sonore d'Assemblage Requis qui commence lundi, donc soyez avec nous pour ça. Parfait. Mais pour l'instant, on revient après ceci. Ah, c'est fou, là, vous avez. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage Requis en pièces détachées. J'adore. Ouais. Bon, toi, vous êtes toujours Assemblage Requis. Faux et Mathieu, ce sont nous. Ce sont nous. Mais j'ai toujours tendance à dire ce sont nous. Tabarouette. J'ai l'impression que ça sonne ça, mal. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Tabarouette. OK. Donc, Simon Fidibé qui reste avec nous de sa chronique Phénomène de tout à l'heure pour entendre avec nous, solennellement parlant, Jean, la chronique de François Landry. Voici Logocratie 101. S'il vous plaît. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. Le début est solennel. Tu es en train de dire que quelqu'un a fait quelque chose de pas correct avec le micro? Oui, il y avait un poil de barbe dans le micro qui me chatouillait ma barbe. Je ne sais pas trop m'approcher, là. Et quand ça chatouille ta barbe, c'est quelque chose qui ne marche pas parce que tu as une barbe assez garnie quand même. Assez pompeuse. Pompeuse. C'est un mot qu'on n'utilise pas assez souvent. Ah non. Non, mais j'aime bien. Ouais. Donc, François Landry qui est avec nous comme à chaque jeudi matin à 8h30 pour parler de politique et de logocratie, finalement. Oui, de logocratie, on s'en souvient, c'est la langue de bois. Donc, l'esprit, comment contrôler l'esprit du peuple, c'est la logocratie, un gouvernement qui détourne le sens des mots. Et aujourd'hui, on parle de l'agenda 2011 de Jean Charest. L'agenda, est-ce que c'est une semaine sur deux pages? Oui. Comme vous disiez en introduction. C'est Garfield? Pensez pas ça, Garfield. Ce serait plutôt une grosse farce. Tu sais, quelqu'un, un genre de gros joker qui pourrait tirer la langue. soit vers Charest ou quand il rouvre vers le peuple. T'sais, on sait jamais là, quel genre d'agenda. Mais c'est une très grosse année pour Jean Charest. C'est peut-être l'année déterminante pour lui, pour sa carrière et peut-être même pour les livres d'histoire. Ah oui. Oui, à ce point-là. Parce que, bon, vous le savez, 2010, pour Jean Charest, ça a été l'année catastrophe. Il voulait parler d'économie, mais est-ce qu'on a parlé d'économie en 2010? J'en ai pas entendu bien parler. Je sais pas pour vous autres, mais j'ai plutôt entendu parler de la construction, la corruption, de Marc Bellemare. Les juges, commission d'enquête, des sondages très défavorables, etc., etc. Encore ses cheveux. Oui, sûrement oui. Donc, 2011 qui s'ouvre, la session parlementaire n'est pas encore commencée. Elle devrait, en théorie, je dis bien en théorie, commencer à la fin du mois de janvier. Mais, Jean Charest étant majoritaire, étant le premier ministre, il a donc le droit de faire ce qu'il veut avec le calendrier. C'est lui qui dit ça. C'est lui le boss. Donc, les rumeurs dans les corridors de Québec circuleraient à l'effet qu'il pourrait retarder jusqu'à la mi-mars la rentrée parlementaire. Ben, ça n'aurait pas de sens. Il a le droit. Oh, il va proroger la session. Il va rentrer une journée, il va faire un discours et ensuite aller voir le lieutenant-gouverneur pour dire « On proroge parce que j'ai besoin de temps pour mettre en place mes nouvelles réformes économiques. » Donc, il pourrait attendre à la fin des élections au fédéral ou durant la campagne électorale. Comme ça, personne ne va l'achaler de son bord. Ouais. Et on sait que Jean Charest est très populaire quand il s'oppose à Ottawa. Donc, est-ce que c'est une stratégie pour remonter dans les sondages, dans l'opinion publique? Parce que, à part la campagne électorale à Ottawa qui s'annonce, et je vous l'ai prédit la semaine dernière, et ça va se concrétiser dans les prochains jours. On a gardé l'enregistrement. Vous avez gardé l'enregistrement. Il y avait les belles publicités de salissage. Ah, ça commence. Les autres partis, la part des conservateurs. Exactement. Donc, Jean Charest s'est dit, si je ne peux pas parler d'économie librement parce que le peuple ne m'aime pas, je vais en parler, je vais en exiger de Stephen Harper. Entre autres, le gros dossier, c'est sur la tarification, les taxes, l'harmonisation des taxes. J'en ai glissé un mot la semaine dernière sur le 2,2 milliards que Québec voudrait aller chercher à Ottawa. Mais ça, c'est Harper qui a la clé du succès de ce dossier-là. Si Harper dit non, Charest va faire grrr. Harper, il est méchant, je l'aime pas. Puis là, le peuple québécois va derrière Charest. On aime Charest contre Harper. Donc, c'est peut-être une stratégie, mais ça me surprendrait parce que déjà, Charest a fléchi un peu. Il va revoir à la baisse sa demande de 2,2 milliards. Donc, ça s'annonce assez mal pour lui pour commencer 2011. Là où ça commence très mal aussi, avant de parler de la commission Bastarache qui a déposé son rapport hier, pour ceux qui nous écoutent jeudi, c'est le premier sondage de l'année. On l'attend toujours avec impatience parce qu'on dit pendant le temps des fêtes, le monde va boire, va oublier. T'sais, on parle pas de politique pendant le temps des fêtes. Toi, t'as voté. Ben, ça brosse des fois. Toi, t'as voté libéral. C'est ça, exactement. J'ai causé de mon bord, quoi. Ah ouais? Un petit émoi à un moment donné, mais ça, c'est moi. Hey, bon, ma famille est habituée. Je t'imagine bien. Oui. Sondage, donc lundi dernier, sondage Léger Marketing, Le Devoir, plaçait le Parti québécois en tête, largement en tête, avec 36% d'appui au Québec. Donc le tiers des Québécois sont prêts à faire confiance au Parti québécois. Est-ce qu'ils font confiance à Pauline Marois? Ça, c'est une autre question, hein? On l'a vu. 29% pour le Parti libéral, 14% pour l'ADQ, 10% pour Québec solidaire et 7% pour le Parti vert. Donc on voit que c'est l'ADQ remonte dans les sondages. J'étais à 9% l'an dernier, ça remonte. Québec solidaire varie entre 7 et 10%, donc ils font quand même un score stable. C'est le Parti québécois et le Parti libéral qui s'échangent des votes. Mais là où... ça, c'est après répartition des indécis. Parce que les indécis, il y en a près de la moitié. Ah, c'est ça, il y en a beaucoup. Donc, si on dit un sondage de 1000 personnes, il y en a la moitié qui savent pas, donc on revient à 500 personnes. Il y en a 36% des 500 qui sont pour le Parti québécois. Est-ce que c'est un sondage qui est quand même véridique? Véritable, vérifiable. Ouais, vérifiable. Ouais, il est vérifiable, mais proche de la réalité, c'est une autre question. Donc, il y a deux des trois V. C'est ça, une vérité, deux mensonges, quelque chose de même. C'est ça. Mais là, Parti québécois, 36%, mais Pauline Marois. 41% des personnes disent ne pas savoir ou ne veulent pas voter. Mm-hmm. C'est important là, aussi qu'ils n'iront pas voter. Exactement. Donc, il y en a seulement 17% qui font confiance en Pauline Marois. 15% Jean Charest, 15% Amir Kadir. Donc ça, c'est la grande victoire la grande défaite de Jean Charest ou la grande victoire de Québec solidaire. C'est que le chef, qui est connu, mais tu sais, qui n'a pas... qui n'a pas d'argent comme les autres, en fait. Exactement, qui n'a pas les mêmes tribunes, qui n'a pas la même notoriété, fait la même chose que le premier ministre du Québec, alors qu'il a un seul député à l'Assemblée nationale. Et Gérard Deltel, grand perdant de ce sondage, 11%, alors qu'il est le deuxième groupe d'opposition avec des moyens, une notoriété connue depuis longtemps, 11%. My God, les quatre membres de l'ADQ se sont mobilisés pour faire le faire monter dans les sondages. Ben, pour moi, ils ont appelé leur matante pour dire « aide-nous, parce que ça ne marche pas ». Et puis Claude Sabourin, 1%. Et c'est qui, lui? Et voilà la question que j'attendais. Qui est Claude Sabourin? Et c'est le troisième chef en 2 ans du Parti vert du Québec. Ah! Hein? Mais on le voit pas. Hein? On le voit pas parce que c'est. On le voit pas. Il y avait eu Scott McKay, qui est rendu maintenant au Parti québécois. Il y a eu Guy Rainville, un extrémiste de Parti vert, qui lui était végétalien, puis il voulait. Pur et dur. Un vrai pur et dur. Donc les Verts ont pas trop aimé qu'il y ait un radical chez eux, surtout que le message passait pas. Donc ils ont élu Claude Sabourin, un professeur de cégep, donc modéré avec un discours politique beaucoup plus. Centré gauche-droite plutôt que végétalien ou les autres. Donc, on verra bien. Pour revenir à l'agenda de Jean Charest, le temps file, je vais faire ça vite. Il y en a 12, comme les 12 mois de l'année, mais ça ne s'étendra pas sur 12 mois. C'est un agenda... Est-ce qu'on fait un calendrier? Ouais? Non, c'est un agenda à très court terme, okay. D'ici le printemps prochain. Parce que s'il ne réussit pas à au moins régler un ou des dossiers de cet agenda-là, c'est fini pour Jean Charest. Il devra quitter le Parti libéral et la tête du gouvernement du Québec, et lapsus en devenir ici. Donc, première grosse tâche, l'industrie de la corruption. C'est un lapsus qu'il avait fait lui-même, c'est l'industrie de la construction, on s'entend bien. Il faut nettoyer les écuries. Il s'était dit pendant le temps des fêtes, on va oublier ça, c'est l'industrie de la construction date de 2010. Ouais, moi aussi, je fais le lapsus. Ouais, moi aussi. il s'est dit, bon, on va oublier ça, mais là, coup de tonnerre, dès le début janvier, le grand patron, la FTQ Construction, mentionne qu'il ne veut pas renouveler son mandat du 1er septembre prochain. Et il dit que la mafia est officiellement infiltrée dans le monde syndical. Donc, jusqu'à maintenant, on disait tout le temps, non, c'est des allégations, des candidatons, oui, des cancans, exactement. Et puis là, le big boss de la FTQ, celui qui est au-dessus de tout, dit « Je l'ai découvert ». Il y a même une bombe qui a explosé sous sa voiture à l'automne dernier. Donc, oui, je me rappelle de ça. Je me rappelle de il ça. Il commence à être stressé, le gars. Puis il dit, gars, j'ai plus rien à perdre. Je renouvelle pas, mais je veux dire, je vais vider mon sac. Et il a dit, la mafia et les groupes de criminalisés sont dans les centrales syndicales. Mais ils sont partout aussi. Ils possèdent des entreprises. C'est eux autres qui font des soumissions. C'est eux autres qui ont de l'argent. Ils ont de l'argent à blanchir. Donc... Oui, et tout ça, on ne sait pas encore c'est quoi leur tentacule. C'est une ampleur, d'après moi. Mais c'est une grande ampleur ou peut-être à très petite échelle, mais qui fait beaucoup de dommages. Bien souvent, c'est juste une personne qui peut contaminer l'ensemble d'un groupe de personnes. Donc, il faudra faire le ménage là-dedans. Et c'est une grosse job pour Jean Charest. Parce que tout le monde veut une commission de l'enquête publique sur l'industrie de la construction. Est-ce qu'il va plier? S'il plie, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Même s'il ressort blanchi, non, c'est ça. Son nom va être entaché à jamais avec cette commission-là. Il s'est tellement obstiné pour ne pas en avoir que lui, il ne peut pas changer. S'il en fait une, c'est une défaite pour lui, une défaite personnelle. Ensuite, nomination des juges sur les providentiels post-it. Les quoi? Hein? Les providentiels. Parce que Chantal Landry, on s'en souvient, qui n'est pas dans ma famille du tout, là, elle, non. Là, c'est clair. Il y a des limites, les gars. Chantal Lacroix, t'aurais pu dire oui, mais Chantal Landry. Non, ben, Maxime Landry, je tolère, mais pas Chantal Landry. C'est elle qui mettait des post-it sur les nominations des juges. Donc, si Mathieu, tu voulais devenir juge, tu es un avocat du barreau assez reconnu dans ton milieu. Bien sûr. Tu t'appelles Chantal, tu dis, hey, Chantal, moi, je suis membre du Parti libéral. Hey, puis j'ai fait une contribution de 100$ dans la dernière session, puis j'aimerais ça être juge. Parfait. Elle va dire, Mathieu, plante, tu mets un post-it, membre du Parti libéral, merci, bonsoir, dans 3 mois, tu reçois ton accréditation de juge. Merci, Chantal. Hein? C'est de même que ça marche, ça a l'air. Mais ça a l'air aussi que c'est pas de même que ça, ça marche, parce que le juge Bastarache, avec sa commission, a dit hier que non, finalement, les poursuites n'ont pas d'affaires là-dedans. Chantal, ça colle pas toujours, dépend de la marque. Exactement, ça peut tomber, puis exactement. le Parti québécois a exagéré la chose. Marc Bellemare, toutes ces allégations tombent à l'eau. Donc, Jean Charest est blanchi. C'est, je viens de résumer 6 millions de dollars de la commission Bastarache. Jean Charest est blanchi. Les post-it, j'en tiens pas compte. Et les allégations de Marc Bellemare, j'en tiens pas compte non plus. Il était libre de faire ce qu'il voulait. C'est lui qui a choisi des juges. C'est lui, ouais, c'est ça. Il était indépendant dans le choix exactement des juges. Et en même temps, ils n'ont pas conclu non plus si la fameuse rencontre. Là, exactement. Il n'a pas voulu statuer là-dessus. Il dit, je laisse ça. Il y a une, justement un recours ça, c'est en bizarre justice. Il dit, je vais laisser ça aux autres parties. Donc, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Mais là où il a fait des recommandations assez sévères, il n'a pas pénalisé personne. Il a dit, il y a des recommandations à faire. Et c'est là que moi, et j'espère que vous autres aussi, vous allez dire, OK, Jean Charest est blanchi. Mais s'il y a autant de recommandations pour transformer l'appareil de nomination des juges, ça veut dire qu'il y a eu manque à quelque part. Donc, s'il y a eu manque, il y a peut-être quelqu'un qui a su profiter de cette lacune-là pour nommer des juges ou du moins exercer une certaine pression. Donc là, le juge Bastarache dit qu'il faut réformer le système de nomination. Plutôt que ce soit 3 personnes qui nomment, on va en mettre 7. Donc, dans sa tête, c'est 3 personnes, c'est beaucoup plus facile à corrompre ou à convaincre que 7 personnes. Donc, ça coûte plus cher. Ensuite, on va nommer des personnes externes, donc extérieures de l'appareil politique. C'est ça, dans les 7, il va y avoir des personnes à l'externe? La moitié proviendrait de l'extérieur, donc peut-être des avocats, des juges déjà nommés. Donc, ils veulent détacher comme en Grande-Bretagne. Il l'a pas dit clairement, mais en Grande-Bretagne, l'appareil judiciaire est totalement détaché de l'appareil gouvernemental. Donc, le juge, qu'il soit travailliste, conservateur, peu importe qui, il n'y a pas d'ordre à recevoir du premier ministre au pouvoir, du parti au pouvoir. Donc, il fait ce qu'il veut. Donc, l'appareil judiciaire, en démocratie, se doit d'être non-partisan, non-politique, parce que, justement, ça peut amener des conflits et même des cancans, comme disait Mathieu tantôt, ouais, à savoir, d'après moi, c'est louche. T'sais. Ça me rappelle un peu la séparation de l'Église et de l'État. Exactement, exactement. Et ici aussi, au Canada, lors de la Constitution, on a dit on sépare l'Église de l'État, l'appareil judiciaire de l'Église et de l'État. Mais avec le temps, l'appareil judiciaire s'est rapproché de l'État. Et donc, là, le commissaire Bastarache dit non, il faut redétacher l'appareil judiciaire. C'est comme j'entendais sur des tribunes hier, on disait que cette commission Bastarache là, en fait, ça va peut-être aider également à changer les choses aussi au fédéral, où là c'est le premier ministre qui choisit les juges sans rien consulter personne. Exactement. Donc ça peut faire l'effet boule de neige. Si au Québec on le fait, peut-être que ça va faire son petit bonheur de chemin, puis dans 2-3 ans, peut-être même dans 10 ans, l'appareil judiciaire canadien va se voir transformé. Oui. C'était l'éditrice en chef du Devoir justement qui c'est fort logique parce que habituellement à Ottawa c'est beaucoup plus difficile de changer les choses, c'est une grosse machine, donc si les provinces le font, les autres provinces emboîtent le pas, Ottawa n'aura pas le choix éventuellement de se rendre compte que faudrait mettre à jour notre système gouvernemental du coup. Ah ouais. Ensuite, les finances publiques. Jean Charest veut parler de finances publiques, veut parler d'économie, c'est son grand dada. Il a promis en 2013-2014 d'apporter un équilibre financier. Sauf que juste le règlement... À quel prix? À quel prix, oui, effectivement, c'est ça le prix. Juste pour... sans toucher à la santé ni à l'éducation. Donc, c'est dit, on touche pas à ça. Sauf qu'on s'entend qu'en 2012, les petits amis, salutaires, il y a une augmentation des droits de scolarité. En santé... Il avait imposé un ticket modérateur qu'il va retirer, plus la taxe obligatoire de 200$. Hey, il le retire, là? Ça, c'est fini, là. Ah, oh, ouais? Oh, OK, j'étais pas courant. Non, t'es plus obligé de payer pour ça. Mais par contre, sur tes impôts, tu vas payer. Ils vont rajouter de l'argent sur... Il y avait deux mesures. Une qui a été retirée, parce qu'elle faisait vraiment pas l'unanimité. OK. Et l'autre que tu vas payer... C'était 200 sur tes impôts, en fait. C'est ça, là, les paliers, je m'en souviens plus très bien, mais le ticket modérateur, oubliez ça n'existe plus pour dans cette forme-là. C'était juste une belle diversion. Pour mieux faire passer l'autre, parce que l'autre rapporte beaucoup plus. C'est ça. Donc, il veut assainir les finances publiques et il veut, faire porter le poids de la dette à 38% aux Québécois. Présentement, on est à 42% à peu près. Puis là, il veut faire baisser ça à 38% pour dire les Québécois payent 38%. Sauf qu'on s'entend qu'au Québec, le gouvernement, ses finances proviennent à très grande majorité des Québécois. Donc, si on paye 38% et que le gouvernement prend en charge le reste, Le 62%. Ouais, ben, ça revient au même. On paye pareil le 62%, donc on paye 100% de la dette au Québec. Donc Jean Charest là-dessus, un discours à revérifier. Ensuite, les médecins. Les médecins, on l'a dit dans le point précédent, équilibre budgétaire pour 2013-2014, mais les médecins ont réussi à régler leur contentieux avec le gouvernement au prix de 400 millions de dollars. Donc, déjà là, comment faire l'équilibre budgétaire quand il y a un morceau de 400 millions qui se retire? Et là, ça, ce sont les médecins généralistes. Les spécialistes s'en viennent aussi. C'est les spécialistes chose, ouais, veulent avoir la même chose. C'est ce qui est normal dans les demandes du groupe. Mais ils veulent avoir la même chose. Donc, c'est un autre 400 millions qui pourrait partir. Donc, 1 milliard de dollars en gros. Bam! Fini. Bang! Deux dossiers de régler 1 milliard. L'équilibre budgétaire au Québec va être atteint. Ah ouais. On peut se poser des questions là-dessus. Bon, le système de santé aussi, on sait ça va mal au Québec, le système de santé, les hôpitaux s'engorgent facilement. C'est un problème d'argent, de financement, oui, mais c'est aussi un problème de politique, parce que la politique Toyota, ça demandez même pas, c'est quoi ça, la méthode Toyota, c'est le ministre Bolduc qui a instauré ça. Ça va gérer nos hôpitaux facilement, puis il n'y aura plus de liste d'attente, puis bang, bang, bang. Ça fait 2 ans qu'il l'a appliqué. Et puis, bon, on sait, Toyota a beaucoup de rappels ces temps-ci. C'est comme les voitures, ça va être plein de défauts. C'est pour ça que le jeu de mots était très facile ici pour contre Bolduc. Les gaz de schiste, hein, ça va toujours mal dans les gaz de schiste. Nathalie Normandeau, qui la semaine dernière a fait une fabuleuse bourde. Avec les vaches, là. Elle a eu une petite montée de lait aussi par rapport à ça. Elle commence à être un peu tannée. C'est normal. Mais ça, là, ça pourrait être très simple. Et puis, il pourrait tellement marquer de points si, carrément, moratoire. Oui, ben, François, si tu dis non, je veux pas de moratoire, le peuple, j'en veux un, puis tu dis, OK, finalement, le peuple a gagné. Jean Charest, dans sa mentalité de Parti libéral, non, c'est une défaite pour lui, de se plier aux exigences du peuple. Il y a des choses beaucoup plus complexes là-dedans. C'est aussi qu'il y a peut-être certains ministres, certaines personnes dans le Parti libéral, là, je n'accuse personne, mais qui ont peut-être un fonds des de intérêts. Pension dans ces gaz de schiste-là. Ouais, et, un peu comme André Caillé, exactement. Qui était à Hydro-Québec et qui a privatisé la portion des gaz naturels d'Hydro-Québec pour ensuite aller investir dans une compagnie. Okay. Exactement. Puis on a vu deux anciens attachés politiques ou conseillers pour Jean Charest devenir conseiller pour l'industrie du gaz de schiste juste en 2010. Donc, il y a des liens à faire là sans accuser personne. Mais c'est un gros dossier qui va juste prendre son envol encore. Mais dans la mesure où tu remontes ta popularité, ta cote, en fait, tu remontes dans les sondages, ces trucs-là, c'est pas une victoire, non? Il va pas ça de même, parce que Charest monte pas dans les sondages. Il fait juste baisser ou se stabiliser. Mais non, mais c'est sûr que, écoute, si tu tiens à tes.